Chapitre 30e. Ce qui arriva le lendemain fut un ordre du maître de police d'avoir à quitter la ville dans les 24 heures. Un tel coup de massue, un affront aussi immérité, était bien fait pour abattre le timide Victor. Demian n'était pas du même tempérament. À peine avait-il appris la fatale nouvelle qu'il courait déjà de maison en maison, essayant non d'en atténuer l'effet, mais de s'assurer des amis. Les amis ne lui manquaient pas, mais chacun, en donnant tous les torts à Madame la Générale et à sa sotte fille, reconnaissait la nécessité de s'incliner devant les arrêts de l'autorité. On voulait bien rire sous cap de la mésaventure arrivée aux billets roses, et personne n'avait songé à croire Demian coupable. Mais personne ne voulait se charger d'intercéder auprès du maître de police, du gouverneur ou de qui que ce fût. Le plus vexé, dit Mosine en reconduisant Demian jusqu'au seuil de son bureau, c'est le général, qui ne pourra pas jouer son fameux duo pour clarinette et violon. C'est la 9e fois qu'il en manque l'occasion. Il doit être furieux, car il n'en retrouvera pas une semblable. Le jeune artiste n'était pas beaucoup mieux disposé que le général, mais il n'avait pas le droit de se plaindre, tout haut du moins, et reconnaissant l'inutilité de ses efforts, il prit le parti de céder à la destinée au lieu de lutter avec elle. « Que me conseillez-vous » demanda-t-il au mélomane. D'aller donner un concert dans une autre ville, un peu loin d'ici. On est si cancanier en province. À votre place, j'irai jusqu'à Nijni sans m'arrêter. Nijni est assez loin pour que les bruits de Yaroslav s'éteignent avant d'arriver jusque-là. Nous partons, dit Demian à Victor quand il rentra à l'hôtel. Je viens du bord de l'eau. Il y a un bateau pour Nijni ce soir à 10 heures. Nous le prendrons. Tant mieux, soupira le pauvre garçon. « Depuis que la police s'est mêlée de nos affaires, je n'ose plus seulement m'approcher de la fenêtre. Les garçons de l'hôtel me jettent des regards soupçonneux. Je suis sûr qu'on croit ici que nous avons volé quelque chose. » Demian haussa les épaules et se mit à empiler ses effets dans sa valise. Victor en fit autant de son côté, mais avec des gestes affligés qui mettaient à rude épreuve les nerfs de son frère. Quand ce fut fini, ils se regardèrent mutuellement et la mauvaise humeur du violoniste se fit jour. Quand tu auras l'air d'une fontaine à qui l'on a enlevé son bassin, cela n'empêcherait pas la générale d'être une oie, sa fille d'être une buse et le général d'être un âne, sans compter le maître de police et le gouverneur, qui sont deux buffles. Demian, au nom du ciel, tais-toi, tu vas nous faire mettre en prison, s'écria Victor, devenu audacieux par l'excès même de sa frayeur. J'en ai fini avec cette ménagerie, conclut Demian, un peu calmé par les paroles qu'il venait de proférer. « Ce que je voulais te dire, c'est que tu as réellement l'air d'avoir commis quelques délits et que ta figure va nous faire fusiller si tu n'en changes pas. Secoue-toi et viens avec moi. »« Sortir ?» balbutia Victor, devenu tout blême. « Dans les rues ? Où veux-tu qu'on sorte si ce n'est dans la rue ? Vraiment, je crois que l'air de cette ville est particulièrement abétissant. Je ne te reconnais pas. »« Dans la rue, Demian, mais on va nous montrer du doigt. » »« Eh bien, ça les occupera. » Je crois qu'ils sont devenus idiots à force de n'avoir rien à faire. Ce sera une occupation pour eux jusqu'à ce soir, et demain ils se reposeront. Où veux-tu aller ? Chez la petite Hélène. Nous ne pouvons pas partir sans leur dire adieu. Et puis nous allons voir s'ils sont aussi stupides que les autres. Ça m'étonnerait pourtant. Victor ne craignait pas beaucoup la petite Hélène, et s'il avait pu se rendre chez elle sans passer par les rues, il eût déployé un empressement sans égal. Malheureusement, c'était impossible. Et il lui fallut sortir sous les regards curieux, narquois ou effarés, suivant les tempéraments, des différents garçons de l'hôtel. Au moment où ils allaient franchir le seuil, le propriétaire se présenta un papier à la main. « Si ces messieurs veulent régler leurs petites notes, » dit-il sans trop de politesse. « Mais nous ne partons que ce soir, » fit observer Victor, qui ne comprenait pas. « J'aimerais mieux faire porter vos bagages au bateau tout de suite, » reprit le personnage. Victor allait discuter. Son frère lui mit la main sur le bras. « Tu ne comprends pas, lui dit-il tranquillement, que ce brave homme nous met à la porte. Il se figure que nous avons volé la cloche de la cathédrale. Montrez votre compte, mon ami, dit-il à l'hôte, qui ne savait trop quelle contenance faire. Il prit le papier, le posa sur un pupitre à hauteur d'appui qui se trouve dans tous les péristyles d'hôtels russes, probablement pour ce travail de la révision des comptes, et vérifia l'addition avec le même sang-froid que s'il eût été à l'école. « Vous avez compté 2 fois le thé d'avant-hier matin et 2 dîners de trop, voyez-vous-même. »« C'est vrai, » balbutia l'hôte. « Permettez, je vais effacer. »« Je l'effacerai bien moi-même. Voilà votre compte. Quant à nos effets, Ne vous en inquiétez pas, nous les porterons nous-mêmes. Voulez-vous voir dans nos valises si nous n'emportons pas votre mobilier ? Permettez, monsieur, jamais semblable idée, murmura l'hôte, abasourdi par cette manière d'agir. Rien de semblable, allons, tant mieux. Demian grimpa lestement dans leur chambre, pendant que l'hôte faisait des excuses prolixes à Victor, qui n'écoutait pas, et descendit aussitôt portant les deux valises d'une main et son violon de l'autre dans sa boîte. « Allons, frère, dit-il, ne contaminons pas plus longtemps l'honorable maison de M. l'hôte. Bonsoir, M. l'hôte, bonne chance. » Il s'éloigna sans se retourner, suivi de Victor qui lui prit à la hâte une des valises. Quand ils eurent tourné le coin de la première rue, Demian s'arrêta pour changer de main les fardeaux qu'il portait. « Ce n'est pas par là qu'on va à la rivière, » lui fit observer Victor en le voyant continuer sa route d'un pas délibéré. « Puisque je te dis que nous allons chez la petite Hélène, » gronda Demian en pressant le pas.